السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهلي وصحبي وسلم. أما بعد، donc aujourd'hui on va prendre de nouvelles questions. Et بفضل الله تعالى on se rapproche de la fin du livre شوية شوية. Et on espère que cela aura été profitable pour tout le monde. Alors qu'il y reste encore quelques questions. Et celles qui arrivent seront elles relatives au umur al-tawhid. En soi. Après que nous ayons pris les masail qui sont elles relatives au jour dernier, au monde de l'invisible, dont aujourd'hui également encore un peu, avec le sihar, et ensuite viendront les questions relatives à des masail du monothéisme. نعم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في السؤال الرابع والسبعين بعد المئة. 173e question. Au 174e question. Enfin, non. يقول ما حكم السحر والساحر. Donc c'est quoi le jument du sihr et du sahir, de la sorcellerie et du sorcier. Et le sorcier, c'est un mot qui est large. Hein. Sahir, c'est toute personne qui vient et qui prétend connaître des choses de l'invisible. Ça rentre dedans. D'accord? C'est à plein de mots qui peuvent être synonymes. On dit sorcier parce que c'est le plus fréquent. Mais toute personne qui vient prétendre des choses liées à l'invisible rentre dans ce jugement-là. يقول السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. Donc le sihr, c'est une chose qui existe concrètement et qui a un effet concret. Et cela, bien sûr, en concordance avec le qadar, ce que Allah Azawajal a prédestiné à autoriser, et de sa volonté universelle, que Allah Azawajal a décidé que cette chose-là existerait, que cette chose-là aurait un impact. Et comme il dit dans le sens, et ils apprennent de deux, c'est-à-dire des deux anges, Surat al-Baqara, et il y a des, on l'a même dit, c'était pas des anges en fait, ce sont les djinns qui enseignaient le sihr aux gens. Ils apprenaient comment séparer entre l'homme et sa femme. À savoir qu'ils ne sont nuisibles à personne, si ce n'est avec la permission d'Allah. Donc le sahir, le sorcier, tout ce qu'il le fait, il ne fait parce que Allah lui a laissé faire. Il n'a aucun pouvoir indépendant de lui-même. Donc son impact est une chose qui est affirmée dans les hadiths authentiques. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى من عن الشياطين كما نصت عليه آية القرآن سورة البقرة. D'ailleurs, le verset qu'on vient de lire, c'est Sourate Baqara, verset 102. J'oublie de le dire, non? Des fois, j'oublie. فهو كافر لقول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إلى قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Quant au sorcier, si jamais son sihr est une chose qu'il a appris des shayatines, comme le montre le verset dans Sourate al-Baqara qu'on vient de lire, alors lui c'est un mécréant. Par la preuve, voilà, il dit, et il n'enseigne à personne, c'est-à-dire les deux djinns ou les deux anges, selon la divergence qui existe, il n'enseigne à personne sans leur dire, nous ne sommes qu'une tentation, alors ne m'y crois pas. Donc ce verset-là vient pour montrer que apprendre le sihr et le pratiquer est de la mécréance. Et ils ont su que ceux qui se le seront procurés n'auront aucune part dans l'au-delà. Donc, verset 102 de Sourate al-Baqara. Et pourquoi il y a cette divergence par rapport aux anges? Parce que les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'agrée pas le kufr. Donc, il y a des ulama, d'autres, notre shaykh a dit que, en fait, le verset, il y a bien eu deux anges, mais ce ne sont pas eux qui ont enseigné le sihr, aux gens. Mais ce sont deux djinns. Naam. Ce qui ne change rien au jugement du verset. Et ce sihr, comme on le répète souvent, là, il dit, si jamais c'est un sihr qui provient des shayatines, c'est-à-dire un sihr qui est ce qu'on appelle haqiqi, qui est basé sur des actes de kufr, de shirk, c'est du kufr akbar. Et celui qui est tahyili, qui est fictif, lui, il rentre plus dans ce qui est prestigitation et illusionnisme. Et celui-ci n'est pas forcément de la mécréance. S'il est basé sur des actes habiles, de l'adresse ou de la diversion, ça veut dire il te fait croire, par exemple, qu'il a fait apparaître un éléphant parce qu'il a fait diversion, que tu n'as pas vu, ainsi de suite, ça rentre pas dedans. Là, c'est de l'illusionnisme. D'accord? Ce n'est pas forcément un sihr réel qui a un impact sur les personnes et qui a été basé sur des actes de shirk akbar. Mais il est très grave également car il ramène à la ressemblance au vrai sihr. Mais c'est le deuxième, celui qui le pratique, lui, il a mécru. قال في السؤال الخامس والسبعين بعد المئة 175e question. ما حد الساحر؟ Quelle est la sentence qui s'applique sur le sahir, sorcier? روى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وصحح وقفه. Donc الترمذي a rapporté un hadith de جندب qui a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que la sentence du sorcier c'est de le frapper de l'épée, c'est-à-dire la peine de mort. Et Tirmizi a rendu ce hadith non pas authentique remontant au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais comme authentiquement remontant à Jundub. C'est une parole de Jundub. Ça s'appelle Mawquf. C'est une parole de Sahabi. وَالْعَمَلَ لَا هَذَا عِنْدَ بَعْدْ أَلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَلَمْ وَغَيْرِهِمْ وَوَقُولْ مَالِكْ إِبْنِ أَنَسْ. Et ça, c'est l'avis également de beaucoup de Sahaba, enfin beaucoup, de certains sahaba qui ont vu l'application de la peine de mort, comme ce fut l'avis de Omar, ce fut l'avis de Hafsa, sa fille, et d'autres compagnons qui ont opté pour la peine de mort pour le sorcier, sorcier ou sorcière. Et c'est également l'avis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Wa qala al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, inma yuqtalu as-sahir idha kana ya'malu min sihrihi ma yablughu al-kufr, fa amma idha 'amila dun kufr fala فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلَ. Et l'imam Shafi'i, lui, il voit le tafsir comme on cité tout à l'heure. Il voit que si jamais le sihr a pratiqué est basé sur du shirk akbar, alors oui, c'est la peine de mort. Tandis que si jamais il est basé sur autre chose, alors non. وَقَدْ ثَبَتَ قَتْلَ السَّاحِرْ عَنْ عُمَرْ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَتِهِ حَفْصَةِ وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب بن قيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des sahaba qui l'ont fait appliquer, comme Omar, comme son fils Abdullah, comme sa fille Hafsa, également Othman qui l'a fait faire, Jundub l'a fait faire, Jundub ibn Ka'b l'a fait faire, et Omar ibn Abd al-Aziz, qui est un tabiri, qui lui a fait faire également, l'imam Ahmed, Abu Hanifa, et autres. Donc plusieurs sont de cet avis-là. ثم قال في السؤال السادس وسبعين بعد المئة 176e question. ما النشرة وما حكمها؟ Donc maintenant c'est quoi le نشرة؟ النشرة حل السحر على المسحور. Donc c'est le désenvoûtement. C'est le fait de désenvoûter quelqu'un qui a été ensorcelé. فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان وإن كانت برقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. Donc le fait de désenvoûter quelqu'un par un autre sihr, alors un autre sihr équivalent, cela n'est pas permis. Et cela, c'est parmi les œuvres de Shaitan. Par contre, si c'est pour désenvoûter quelqu'un par de la ruqya, d'accord, et par les moyens légiférés, alors il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'aller voir un sorcier pour lui demander de défaire le sihr. D'accord ? L'ensemble des savants de la sunna interdisent cela. Même si tu connais le sorcier qui t'a ensorcelé, tu ne vas pas le voir pour le demander de défaire son sihr. Car en faisant cela, tu vas lui demander de refaire du kufr. Et ça, ce n'est pas permis. Tu n'as pas le droit d'appeler à faire cela. Maintenant, s'il le défait, tant mieux pour toi. Mais toi, tu vas le voir et tu le payes pour qu'il le fasse ou autre. Ça, ce n'est pas permis. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a été ensorcelé également. D'accord ? Il a su qu'il est ensorcelé. Et il n'est pas parti demander à la personne de le désenvoûter. Mais il a été guéri par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. يقول في السؤال السابع والسبعين بعد المئة 177e question ما هي الرقية المشروعة donc maintenant c'est quoi cette rقية qui est elle légiférée هي ما كانت هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت بلسان العربي واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقاه كثير من الصحابة وأقرهم على فعلها بل أمرهم بها وحللهم أخذ الأجر عليها وكل ذلك في الصحيحين وغيرهما Donc cette ruqya, si elle est basée sur des versets ou des invocations, des azkar pris de la sunna, pure, alors cela est une bonne chose. Elle doit être également en langue arabe, d'une langue claire. Elle a des propos clairs. Que le raqi, lorsqu'il parle, ses propos sont clairs. Et chacun des deux, que ce soit l'exorciste ou l'exorcisé, parce qu'on dit comme ça en français, raqi, c'est exorcisme, les deux savent que cet effet n'a lieu que par la permission d'Allah Azzawajal. Parce que tu as des gens, malheureusement, ils ont une croyance qui est corrompue, de croire que le raqi, l'exorciste, c'est comme s'il avait comme une forme de pouvoir. Donc les gens vont voir des gens en particulier pour qu'ils fassent cela. Alors qu'en réalité, toi-même, tu peux résister sur toi-même. Ou n'importe quelle personne qui connaît un peu de Coran et qui est sur la droiture peut le faire. D'accord ? Ne pas s'imaginer aller faire des voyages, des distances et payer des sommes astronomiques pour qu'un tel te le fasse en particulier. Là, dans ton cœur, tu dis que c'est Allah qui te guérit. Et non pas lui. Lui n'est qu'une cause que Allah Azzawajal a mis sur ton chemin. Il a pu l'avoir mis lui, comme il a pu avoir mis quelqu'un d'autre que lui. Après, tu as des gens, c'est vrai, qui ont de l'expérience dans la ruqya. Ils l'ont déjà fait fréquemment, ils connaissent un peu. Et t'en as, ils en font trop, ils te font un tel cinéma, ils t'apprennent des choses qui n'existent pas. Et il y en a, ce sont des escrocs de première. Ils profitent de la faiblesse des gens et de leur détresse pour abuser d'eux dans leur argent et dans leur croyance et les détrousser. Les leurrer. Donc faire attention à cela. Quand vous voulez que quelqu'un, si jamais vous êtes contraint à ce qu'on récite sur vous, demandez une personne de droiture. Une personne de la sunna. D'accord ? Une personne fiable. Et ce n'est pas demander de connaître le Coran par cœur pour faire ruqya. Tu peux le faire avec la Fatiha. Tu peux le faire avec Ayat al-Kursi. Tu peux le faire avec Al-Mu'awzatayn. Surat al-Falaq, l'homme naissante, Surat al-Nas. Ça suffit, hein. Faut pas croire. Les gens, ils imaginent qu'il faut lire tout le Coran, tout le Surat al-Baqarah, tout. Non, ça, c'est pas l'azim. Les Sahaba, comme l'auteur le cite, ont même pris une paye, un salaire, en ayant fait ruqya à un homme avec le Fatiha seulement. Et il était guéri. Et la ruqya, ce n'est pas que pour le mal occulte. C'est pour plein de maux. Ça peut être pour une morsure venimeuse, piqûre venimeuse, ça peut être pour une blessure, ça peut être pour une migraine, ça peut être même pour la Covid, pour ce qui l'attrape, ça peut être pour une grippe, ça peut être pour plein de maladies. Même des douleurs, on s'est blessé, tout cela, la ruqya rentre dedans. Ce n'est pas une chose qui est propre aux choses liées au culte. D'accord ? C'est bien plus large que cela. Non. Donc, comme on vient de le dire, également, il est permis de demander un salaire. En contrepartie. Oui. Mais il ne faut pas abuser. D'accord ? Et, attendez, bon, ça a été là par rapport à ce masala-là. Thumma yakoul fi souel 78 bardel miya. 178e question. Ma hiya ruqa al-mamnu'a? Donc maintenant c'est quoi justement les ruqya qui sont elles interdites? Hiya ma lam takun min al-kitab wala as-sunnah wala kanat bil arabiyya bal hiya min a'mal ash-shaytan wa istighdami wa at-taqarrub ilayhi bima yuhibbu kama yaf'aluhu kathir min al-dajajila wal-musha'wizin wal-mukharrifin wa kathir bima yanzuru fi kutub الهياكل والتراسم وكالشمس المعارف والشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه ورثت منه في شيء ولا من علومه في الظل ولا في في لا في ظل ولا في كما بيناه وبيناه في شرح السلام أو نعم والسلم شرح السلم je sais pas parce qu'il y a pas de حركات je sais pas quel livre dont tu parles وغيره. Donc maintenant, ces ruqya qui sont interdites sont celles qui ne sont basées ni sur le kitab, ni sur la sunna, et qui ne sont pas en langue arabe. Et ces ruqya-là, elles sont des actes de shaitan, afin de pouvoir justement utiliser shaitan, et se rapprocher de lui parce qu'il aime, comme le font justement les sorciers, comme les font les imposteurs, comme les font les faux soigneurs des mal occultes, qui ne sont pas sur l'istiqama, qui ne sont pas sur l'islam. J'ai oublié comment ils s'appellent ces gens-là. Les guérisseurs, ou je ne sais comment. Je crois qu'ils ont un nom particulier. Bref. Et les mystiques, et les... Tous ces gens-là. Et vous voyez même les marabouts, les devins, les... Toute la ribambelle de ce genre de shayatine, là, de ces gens-là. Les marabouts, ceux qui font. Les marabouts sont des sorciers. Les marabouts sont des koufars. Sachez-le, même si tu vas au premier rang faire la salat, être présent pour Ramadan et faire des aumônes, des milliers d'euros pour des mosquées, et que les gens les imaginent comme étant des gens pieux, ce sont des sorciers, ce sont des pervers, ce sont des shayatines, ce sont des kuffars. Sachez-le. Wala karam. D'ailleurs, donc, cette roquette doit être faite en langue arabe. Pourquoi? Pour qu'on sache que la personne a dit. Parce que t'en as, ils font des incantations envers le djinn. Et le djinn, ils se servent des djinns pour t'apporter une guérison d'un autre djinn, d'un sihr ou autre. Toi, tu crois que c'est un guérisseur qui te... Non, il sert des djinns pour t'atteindre, donc il peut servir de djinn pour te guérir, biznillah ta'ala. Mais son procédé, il est interdit. Son procédé est interdit. Et il y a des livres qui existent pour enseigner cela aux gens, malheureusement. Et même certains de ces livres ont été attribués à l'islam, comme un livre qui s'appelle Shams al-Ma'arif, ouais, Shumus al-Anwar. D'accord, ce sont pas des livres de l'islam, c'est Abaden, ce sont des livres de sorciers. Et autres. Et la ruqya, de base, il est fortement déconseillé de la demander. Parce qu'on te la fasse. Patient, prends ton mal en patience. Fais ton ruqya toi-même. Si on te la fait pas de mal, mais demande pas aux gens qu'on te le fasse, sinon tu sortiras des 70 000 qui sont prévus de rentrer au paradis sans rendre le compte, ni châtiment. Car parmi les conditions de ces gens-là, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse le ruqya, qui ne prennent pas de remède par cautérisation, et qui ne font pas preuve de mauvais augure, et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Aywa. Donc celui qui demande qu'on lui fasse le ruqya, il se verra privé de ce mérite. Par contre, t'as des gens, ils sont dans une situation tellement critique que vaut mieux qu'ils le fassent. Car leur mal les pousse à être nuisibles et à être dangereux. T'en as, ils sont atteints d'un mess, ils ont un cirque ou quelque chose, ils sont dangereux. Ils ont des crises, ils peuvent frapper, ils peuvent être violents. D'accord? Envers eux-mêmes déjà. Être dangereux pour leurs épouses, ou les épouses pour leurs époux, leurs enfants, leur entourage. Donc là, c'est autre chose. D'accord? Là, c'est autre chose. Mais tant que la personne n'est pas arrivée à ce stade-là, on lui dit de faire en sorte de ne pas demander à ce qu'on lui fasse le ruqya. Yaqulu fi as-su'al at-tasir wa 70 ba'd al-mi'a. 179e question. Ma hukm at-ta'aliq min at-tama'im wal-awtar wal-hilaq wal-khuyut wa wad' wa nahw dhalika. Donc maintenant, c'est quoi le jugement d'accrocher justement des talismans, des amulettes, et toutes ces choses que les gens s'imaginent comme étant des porte-bonheur ou des choses qui repoussent le mal, tu repousses le Aïn ou je ne sais quoi comme croyance fausse. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه, que celui qui accroche quelque chose, c'est-à-dire à son cou, un collier avec une croyance dedans occulte, alors il sera confié à ce collier, c'est-à-dire que Allah ne le protégera pas. وارسل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا أن لا يبقين في ركبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Et que le Nabi صلى الله عليه وسلم a envoyé un émissaire pour aller voir les gens et faire couper tous les pendentifs qui étaient accrochés au bétail. Car des gens accrochaient des pendentifs au bétail pour les protéger du mauvais œil ou autre. Et cela, c'est parmi les pratiques pré-islamiques qui sont interdites. D'accord ? Car Allah Azawajal n'a pas fait de ces pendentifs des causes de protection. Donc faire d'une cause, rendre une chose comme étant une cause alors que Allah ne l'a pas rendu comme étant une cause, cela est une question qui donne deux réponses. Soit c'est le Cheikh Akbar, soit c'est le Cheikh Asrar. Ça devient du Cheikh Akbar à quel moment ? Lorsqu'on dit que cette chose-là en elle-même est une cause qui protège. Par exemple, quelqu'un met un collier contre le mauvais œil. Par exemple, ce qu'ils mettent, la main de Fatma, que vous connaissez, ça, c'est une chose qui est interdite. Et t'en ailles pour cela, pour se protéger du mauvais œil d'après eux. Alors qu'ils font que se détruire encore plus en portant cela. Celui qui dit que ce collier en lui-même le protège, eh ben, il aura rendu cette chose protectrice, cette protection, c'est un attribut d'Allah, Azawajal. Donc il aura fait du shirk akbar, en donnant une part à cette pendentif d'une chose qui revient à Allah seul. Et par contre, si jamais il dit non, que c'est Allah qui a fait de cette chose une cause, alors là, c'est du shirk asrar. Pourquoi ? Il aura décrété un jugement que Allah n'aura pas donné. Donc là, il aura fait du shirk asrar. Il dit, je sais que ce collier en lui-même ne protège pas, mais c'est Allah qu'on a fait une cause. On dit non, ce genre de cause, il faut que tu aies une preuve pour le dire. Si tu n'as pas de preuve, on ne rend pas les choses causes de nos têtes. Soit ce sont des choses qui ont été prouvées par l'expérience et le constat, comme les médicaments, les choses comme ça, des choses qui ont été testées, et on sait que, par exemple, demain tu prends Doliprane, c'était testé, on sait, le paracétamol, on sait que ça enlève la douleur. Pas la permission d'Allah Azawajal, par exemple, quoi. Mais les choses qui sont liées au mal occulte, on ne peut décréter de cause que c'est une chose qui est basée sur un dalil. Des fois, tu as des gens qui t'inventent des médicaments ou des choses pour te dire, ouais, par exemple, tel médicament permet d'avoir des enfants à une femme, par exemple, qui est stérile. Non, elle est stérile, c'est mort de chez mort. Elle ne pourra pas avoir d'enfants. Il n'y a aucun médicament qui le soigne, sinon Allah Azawajal, si jamais Allah Azawajal veut lui accorder, s'il le veut. Ou d'autres qui disent que tu as, par exemple, des plantes ou des potions qui permettent de choisir d'avoir un garçon ou une fille. Ça paraît, ça n'existe pas, ça. Tout ça, ça rend dans le shirk, celui qui croit en cela. Et autres. Et il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna ruqa wa tama'im wa tiwala shirkun. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que l'exorcisme ainsi que les amulettes ainsi que les désenvoûtements qui permettent, ou les envoûtements qui permettent de faire, par exemple, créer une source d'amour entre un homme et une femme, ou le contraire, ou ce genre de choses, il dit que c'est du shirk, tout cela. Et là, quand il parle de loqa, il parle des loqa qui sont, elles, qui sont pas la shari'a. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man 'alaqa tamimatan fala atama Allahu lah, wa man 'alaqa wad'atan fala wad'aha Allahu lah. Que celui qui accroche une amulette, que Allah ne lui parachèvera pas son objectif. Et pareil, celui qui accroche des coquillages. Parce qu'avant, ils utilisaient des coquillages pour pouvoir se protéger. Et que Allah, exactement, ne le protégera pas. وَمَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. Celui qui accroche une amulette, il l'aura associé. Et là, ce sont des exemples, mais il y a plein de choses qui rentrent. Par les gens qui ont la croyance au fer à cheval, au trèfle à quatre feuilles, la patte de lapin, toutes ces choses-là qui, soi-disant, qui portent bonheur, où les gens ils disent aujourd'hui, je croise les doigts, on entend tout va, touche du bois, ou toutes ces choses-là, des superstitions, tout cela rend dans le shirk. Il n'y a rien qui protège de ce que Allah Azawajal veut t'atteindre. Sache-le. Si ce n'est que Allah, tu te rapproches de lui, en espérant qu'il ne t'ait pas décréter de choses qui te déplaisent. Et même quoi que tu fasses, il t'arrivera ce qui t'arrivera. Sans quoi, t'as des askars à faire tous les matins, tous les après-midi. T'as des askars à faire en rentrant chez toi, en sortant de chez toi, en t'habillant, avant de manger, après avoir mangé, avant d'avoir des rapports avec ta famille, sur tes enfants, avant de dormir, en te réveillant. Tout ça, ce sont des causes pour te protéger. Donc c'est ça, ta voix cool, tu fais les asbeb. Et n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur d'eux, ils ne peuvent rien te faire si ce n'est ce que Allah leur a déjà décrété. Toi, fais les causes qu'Allah t'a exposé à travers sa révélation. Après, tawakkal, fais ta vie, n'aie pas peur d'eux. Ne sois pas omnibulé par eux, ne sois pas dans l'obsession tout le temps, voilà, dans la psychose. N'aie pas peur d'eux, ils ne peuvent rien te faire. Biznillah ta'ala. Yaqul, wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alladhi ra'a fi yadihi hilqa min sufr. ما هذا؟ قال ابن الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيد لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو ميت ويا عليك ما أفلحت أبدا. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait vu un homme qui portait un collier de cuivre. Et il lui a dit, à quoi te sert cela? Il a dit, pour me protéger de la faiblesse. Il a dit, il ne fera que t'ajouter encore plus de faiblesse. Ce collier ou ce comment on appelle ça? J'ai oublié le mot français qu'on met au poignet. Bref, cette chose que tu as accrochée, des fois j'en parle mon français, je m'excuse, ne te fera que t'ajouter encore plus de mal. Et là, si jamais tu étais mort alors qu'elle était accrochée à toi, tu n'aurais jamais réussi. Et ces croyances-là, vous voyez bien, mes frères et mes sœurs, elles sont très répandues chez les gens et même chez les musulmans. Beaucoup chez les musulmans, chez les awam, chez les gens qui sont au bled ou qui ont encore de l'influence sur leur croyances anciennes. C'est très répandu tout cela. Malheureusement. Le tawhid est une chose qui est très ignorée, méconnue. Et justement, les gens qui appellent le tawhid sont combattus, sont appelés wahhabites injustement. Mais il ne faut pas désespérer et continuer à appeler au tawhid car c'est la chose pour laquelle nous avons été créés. C'est la chose la plus importante dans ce bas monde. Vous voyez, les gens, comme on disait l'autre jour dans les muhadaras, se battent pour avoir des diplômes, pour avoir réussi dans la vie, à l'école. Ces choses-là, ils les ignorent. Attendez, ils vont voir des sorciers pour réussir leurs examens, pour vous dire. Hein? On dit, t'as tout perdu, toi. Tu as tout perdu. Il a yasha Allah en tatoub. Sauf si Allah veut que tu te repentisses. Mais non, t'as tout perdu. Tu vas faire du shirk pour avoir de la dunya. Ya'azubillah. Ça vraiment, ça, c'est la perte totale. Donc, toi, si jamais tu es sur la sunna, tu es un musulman, sur le tawhid et qui a compris cela, wallah, remercie Allah azawajal. Remercie-le. Même si tu n'es pas la personne la plus droite qui soit, la plus savante qui soit, mais tu as compris cela, tu t'y accroches, d'accord? Alors remercie Allah car c'est un bien que la plupart des gens ignorent aujourd'hui. Tu as reçu un savoir que tu pourras étudier toute ta vie en université ou dans les plus grandes, tu pourras jamais l'apprendre chez les koufars. Jamais. Il n'y a pas de diplôme pour cela. Ça, c'est Coran ou Sunna. C'est tout. Et par la force, la grâce d'Allah Azzawajal, c'est à la portée de tous. Que tu sois intelligent ou même que tu sois bête, le tawhid, tout le monde le comprend. C'est une science qui est pour tout le monde, le tawhid. D'accord? Tout le monde comprend le tawhid. Il faut l'Allah Ta'ala. Thumma qal wa qata'a Huzaifa radiyallahu anhu khaytan min yad rajul thumma tala qulahu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun. Et que Huzaifa justement a coupé un fil qui était accroché à la main d'une personne qui avait ce fil-là par croyance justement qui était mauvaise. En disant, il a resté le verset où Allah est dit, et que la plupart d'entre eux ne croient en Allah, ce n'est en étant dans le shirk. Surat Yusuf, verset 106. Wa qala Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, man qata'a tamimatan min insan, kana ka'adli ruqaba. Wa hadha fi hukm al-marfu'. Il a dit Saïd ibn Jubayr que celui qui coupe justement le talisman de quelqu'un ou une amulette de quelqu'un, c'est comme s'il avait libéré un esclave. Regardez la récompense que ça. Tellement c'est une chose qui est importante. Un geste aussi simple. Aussi simple que celui-là, mais pourtant, qui est ignoré. Et ce geste équivaut à avoir libéré un esclave. Summa qala fi su'al al-thamin ba'd al-mi'a. 180e question. Ma hukm al-mu'allaq idha kana min al-Qur'an. Donc maintenant, c'est quoi le jugement d'une chose qui est accrochée, pendentif ou autre, si jamais c'est du Qur'an. Des versets du Qur'an, par exemple. Ou même des Qur'an qui sont des fois écrits en tout petit. Je l'ai vu quand j'étais j'ai connu les Arbèches, et portaient cela autour du cou. Des Qur'an miniatures, vraiment tout petits. يقول يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم لمنعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم. وهو الأولى لعموم أدناه عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك. ولصون القرآن من إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، والأي الذي يتوصل بذلك إلى التعليق غيره، ولصد ذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمن. Donc certains salafs ont autorisé de porter des choses accrochées contenant du Coran. Mais la plupart l'interdisent. D'accord ? L'interdisent comme Abdullah ibn Mas'ud et d'autres. Car ils disent que cela est plus proche de l'interdiction d'accrocher quoi que ce soit. Et il n'y a aucun dalil qui est venu spécifier que cela est permis pour le Coran. En plus, cela permet de protéger le Coran des choses qui sont, qui seraient par exemple comme des impuretés ou qui seraient rabaissantes s'il tombe et les piétiner et autres. En plus, cela ferme les portes à toute croyance qui amènerait à penser qu'en portant quelque chose, on peut être protégé. Et d'autres ulama, ils ont dit même plus que cela, c'est une bid'a d'accrocher du Coran pour se protéger. Le Coran n'a pas été révélé pour cela, il était révélé pour être lu, récité, médité, appliqué. C'est à ça qui sert le Coran. Un simple verset accroché sur toi, il ne sert à rien du tout. Tu peux mettre un coursier dans ta maison, ça ne sert à rien du tout. Ce qu'il faut, c'est la réciter, la lire. Naam. Et encore pire que cela, mettre des versets du Coran en guise de décoration. Ça, c'est un rabaissement pour le Coran. Il n'a pas été révélé pour cela. Des gens qui prennent des gros mushaf, qui décorent la maison avec comme un bibelot. Jamais le mushaf, il est lu. Il est juste là pour embellir le salon, sur le buffet ou quoi. Le Coran n'a pas été révélé pour cela. Ça, c'est une erreur. D'accord ? C'est une erreur. Si tu veux la baraka du Coran, il faut que tu l'appliques. Il faut que tu le récites. Il faut que tu le médites. Il faut que tu le comprennes. Et là, il y aura l'effet. Donc, le code authentique, c'est que cela n'est pas permis. Et au minimum, ça rentrera dans l'innovation. Il y a quoi dans le question Ou 181e question. Ma hukm al-kuhan. Donc maintenant, c'est quoi le jugement des devins? Et là, on parle de toute personne qui prétend connaître l'avenir, dont les voyants, dont les devins, dont les médiums, et tout ce qui s'ensuit. Et on rentre dans le jugement des sorciers, ces gens-là, car ils prétendent connaître l'invisible. Quels sont les tarawit? Al-kuhan min al-tawarit. Wa hum awliya shayatin. Al-lazina yuhuna ilayhim. كما قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. Donc ces kuhan, ils sont les tawarit, les tarout, ils sont les awliya, les alliés de Shaitan. Ceux à qui justement Shaitan leur font des révélations. Dans le sens où Allah dit, et les shayatin font des révélations à leurs alliés. Sourate Al-An'am, verset 121. ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مئة كذبة كما قال تعالى وهم هل نبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Donc justement ces shayatin descendent sur leurs alliés parmi ces kuhan qui sont sur terre, c'est soi-disant qui prédisent l'avenir, et ils leur informent de certaines informations qu'ils ont volé du ciel, comme cela va venir, Inch'Allah. Ils y ajoutent sans mensonge. C'est pour cela que là, dans le Coran, ils disent, et je vous informerai plutôt, à propos de ceux sur qui descendent les shayatin. Ils descendent sur tout grand menteur transgresseur. Car ces shayatin, justement, tendent l'oreille dans les cieux pour écouter, mais ce sont des menteurs. Surat et Shu'ara, les poètes, versets 221 à 223. Et là, le hadith, qui est dans le hadith du Wahi, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, il dit que les voleurs d'écoute, qui sont les shayatines qui sont dans les cieux, sont comme sur la courte échelle, les uns sur les autres. D'accord ? Et Allah azawajal fait une révélation dans les cieux, et eux, ils sont là pour tenter de la voler, l'entendre. Et ne l'entendent tuer parce que Allah Azawajal leur permet de l'entendre. Sinon, si Allah les voulait, ils n'entendraient rien du tout. Et de là, ils se relayent cette information, chacun, à ceux qui sont en dessous, comme je vous l'expliquais, ils sont comme sur une courte échelle, les uns sur les autres, et celui d'au-dessus révèle la chose à celui d'en dessous, jusqu'à ce que cela parvienne sur Terre. Et des fois, ils se font atteindre par les météores avant. Donc de là, l'information ne parvient pas sur Terre. Et des fois, elle vient sur Terre, l'information, et là, il la donne à une de ces personnes-là, parmi les devins, parmi les médiums, parmi les voyants, parmi les astrologues, parmi les marabouts, tout ça. Des choses qui sont liées à l'avenir, par exemple, à l'invisible, et il y ajoute 100 mensonges. Et donc, les gens vont voir ce devin, et ce devin leur dit une vérité, par exemple. Et celle-ci se produit. Et les gens disent, oh, regardez, vous voyez, il a dit la vérité. À la base, cet homme ne connaît rien du tout. Cet homme-là, c'est une personne qui travaille avec les shayatines, qui fait du shirk, pour que ces shayatines soient ses complices et la forme de choses. Mais en réalité, dans tout ce qu'il dit, sur tout ce qu'il dit, tout c'est des mensonges. Mais comme les gens sont tellement tirés par le faux qu'un jour il va dire une vérité, les gens vont voir que la vérité, ils vont oublier tout le reste. Et ils vont le croire. Et ils vont le croire. D'accord ? Donc tout cela, ce sont des choses qui sont liées au monde de l'invisible, et que ce Kahin ne connaît rien en réalité. C'est un ignorant pur, il ne connaît rien de l'invisible. Mais il a fait du shirk pour pouvoir collaborer avec les shayatines. Naam. Yaqul fi sawal athani wa thamanin ba'd al-mi'a. 182e question. Ma hukm man saddaqa kahina. Donc maintenant, c'est quoi le jugement de quelqu'un qui croit, justement, ce devin, ce médium, ce voyant? Qala ta'ala, qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al-ghayb illa Allah. Dit, nul ne connaît ce qui est dans les cieux et dans la terre comme invisible, en dehors d'Allah, azawajal. Surat al-Naml. Les fourmis, verset 65. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. Il a les clés de l'invisible, nul ne les connaît en dehors de lui. الأنعام البسيو verset 59. وقال تعالى ام عندهم الغيب فهم يكتمون. Est-ce qu'ils ont donc le savoir de l'invisible et qu'ils l'écrivent? القلم verset 47. Donc tous ces versets là qui sont très nombreux pour montrer que seul Allah connaît l'invisible. D'accord? Ça c'est une chose qui est un attribut d'Allah Azawajal. Et que seul lui connaît l'invisible. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Il a dit le prophète, celui qui va voir un devin ou autre et qui le croit en ce qu'il dit aura mécru en ce qui a été révélé à Mohammed صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui va voir ces gens-là qui les croient, il a mécru. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. Et là, je crois qu'il y a une erreur dans le hadith. Qui a dit celui qui va avoir justement encore un devin. D'accord ? Le simple fait d'aller le voir, mais sans le croire, cela normalement amène à ce que ta salat soit annulée durant 40 jours. Mais là, il a dit, fasaddaqahu. C'est pas possible, parce que normalement, saddaqahu, celui qui le croit, il a mécru. Donc, il doit avoir une erreur dans ce que l'auteur a rapporté comme hadith. Normalement, celui qui va le demander, mais qui ne le croit pas, mais le simple fait d'aller le voir et de le questionner, c'est interdit. Sans quoi ta salat, elle est interdite pendant, elle est annulée pendant 40 jours. Sauf dans le cas de quelqu'un qui irait le voir pour le pouvoir l'éprouver et le dévoiler aux gens. Ça, c'est autre chose. Et dedans, sachez que ça rentre dedans également l'astrologie. Tout ce qui est signe du zodiaque, ou même les signes chinois, ce genre de choses. Les gens qui vont regarder la chronique de l'astrologie dans les magazines, sur les sites ou quoi, ça rentre dedans. S'ils vont regarder, même par curiosité, leur salat, elle est annulée pendant 40 jours. D'accord? Pendant 40 jours, c'est annulé. Tu ne vas pas regarder ce genre de choses. Et celui qui va lire ça, et qui y croit, lui, il a mécru. Il sort de l'islam. Maintenant, celui qui est en mesure de lire pour pouvoir démontrer l'erreur et la dévoiler aux gens, là, c'est autre chose. D'accord ? C'est autre chose. Et sachez que le savoir de l'invisible, le sens de l'invisible, c'est une chose qui est relative. Il y a l'invisible qui est mutlak, c'est l'invisible absolu que seul Allah Azzawajal connaît. D'accord ? Que seul Allah Azzawajal connaît. Par exemple, les choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, comme ce qui est relatif aux djinns, aux anges, à l'avenir et autres. Et on a l'invisible qui est relatif, c'est-à-dire qu'une personne peut le connaître en dehors d'une autre. L'exemple. Par exemple, moi je dis, dans ma poche là, j'ai mon portable. Toi tu ne le sais pas. Si je te dis Yari, où est mon portable? Il va dire, je sais pas Yari. Pour lui c'est de l'invisible, il sait pas. Mais moi je sais il est où. Parce que moi c'est relatif, je sais où est-ce qu'il est. D'accord? Donc ça rentre pas là-dedans. Ou par exemple la météo. La météo, ça rentre pas dans la chose le sens de l'invisible, de connaître l'avenir. Car en fait, ce sont des gens qui ont des appareils qui leur permettent de voir plus loin que toi. C'est comme moi, par exemple, demain j'ai des jumelles. Demain j'ai des jumelles. Et je regarde devant. Je vois à 5 km ce que toi tu ne vois pas. Est-ce que moi je connais l'avenir? Je te dis, il y a 4 voitures qui arrivent. 2 bleues et une rouge. Comment je le sais? Parce que j'ai des jumelles, je vois avec cette cause-là plus loin que toi. Et toi, comme tu n'as pas de jumelles, tu vois rien. Donc moi, par rapport à toi, je vois plus loin que toi. Sans quoi je ne vois pas. Sans les jumelles, je n'aurais rien su. Et ben eux, la météo, c'est pareil. Ils ont des appareils pour voir plus loin que toi dans le ciel ou dans les... ce qu'on va dire, la perturbation, les activités atmosphériques. Et c'est un savoir qui te permet de pouvoir savoir s'il peut pleuvoir, s'il peut y avoir du vent, ce genre de choses. Et même ça, c'est pas fiable à 100%. Mais ça ne rentre pas dans l'invisible. Sachez-le. Ou, par exemple, l'échographie pour une femme qui est enceinte. Avec un appareil, la gynécologue peut regarder, te dire que oui, t'as un garçon ou t'as une fille. Elle le voit par rapport à l'appareil. Sinon, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a rien. Elle n'a pas besoin de djinn pour ça. C'est une chose maintenant qui est basée sur des appareils et sur la technologie. D'accord? C'est comme si elle avait une caméra qui rentre dans ton ventre, qui regarde ce qu'il y a dans ton ventre. T'as même tome? Donc ça, c'est une chose qui n'est pas liée à l'invisible, qui permet de... qui rend la personne mécréante ou s'il dit « Ouais, un tel, c'est un médium. » Non, c'est pas un médium. Il a un appareil, pour lui dire ça. Par contre, avant que... L'exemple du gynécologue, avant que Allah Azawajal, avant les 4 mois, avant qu'il ait le souffle de vie, il ne pourra pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Et même au bout de 4 mois, c'est pas clair. Ça, généralement, ils le savent au bout de 6 mois, 7 mois. Au bout de 4 mois, c'est trop... Voilà, quoi. Mais avant cela, ils ne pourront pas le savoir. Te dire, ouais, t'as une fille. Ils ne pourront pas le savoir, c'est impossible. Là, si tu dis, ouais, t'as une fille, avant les 4 mois ou quoi, là, ils rentrent dans celui qui prétend connaître l'invisible. Toi, tu ne dois pas le croire. Et malgré cela, malgré tous ces appareils, ils peuvent se tromper pour te montrer que ce n'est pas infaillible. C'est pas infaillible. Non. Yakoul Mahoukm Atanjim. Donc maintenant, c'est quoi? Justement, il parle le jument Souel Thalith ou Thamanin Bardelmia. 183e question. C'est quoi le jument de l'astrologie? قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. Il est celui qui a fait pour vous des étoiles afin que vous puissiez vous guider dans l'obscurité sur terre et en mer. Al-An'am, verset 97. وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Et nous avons embelli le ciel de la dunya avec des lanternes. En fait, c'est des étoiles. Et nous allons faire des météores pour pouvoir lapider les shayatin, al-mulk, le royaume, verset 5. Wa qala ta'ala, wa an-nujum musakharatun bi-amri. Et que les étoiles sont sous contrôle, Allah Azza wa Jal, al-nahl, les abeilles. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man iktabasa shu'batan min an-nujum faqad iktabasa shu'batan min as-sihr. Zada ma zada, que celui qui apprend une chose de la science, justement, de l'astrologie, alors il aura appris une part de sorcellerie. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. Il a dit, النبي صلى الله عليه وسلم, j'ai peur pour ma communauté qui ne croit en l'astrologie et qui ne démente le destin et de l'injustice des gouverneurs. Apporté par l'imam Ahmed. Ibn Abbas, justement, il parle de ceux qui, avec les étoiles, écrivent des lettres pour pouvoir, soi-disant, connaître l'avenir. Et Qatada, rahimahullah ta'ala, il a dit, خَلَقَ اللَّهُ عَدِي النُّجُومِ لِسَلَاسِ. que les étoiles ont été créées pour trois choses. زينات السماء ورجوما الشياطين وعرمات يحتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف بما لا علم له. Rapporté par le Bukhari, qui l'a dit, ces étoiles sont pour trois choses. Une parure pour les cieux, un moyen de lapider les shayatines, et également un moyen de se guider pour le voyageur. Et que celui qui s'en sert pour autre que cela, s'est trompé, et sera égaré, et sera surchargé d'une chose dont il n'a aucun savoir. Donc regardez bien, tous ces gens qui étudient les étoiles, et qui te sortent un tas de déductions et un tas de raisonnements, tout ça c'est vain, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Ils vont dans les étoiles, ils font des fusées, tout ça, pour apprendre des choses qui leur servent à rien du tout en réalité. Allah. Nous, on sait pourquoi il y a des étoiles. Le reste, peu nous importe. Allah ne nous a pas kallaf, ne nous a pas surchargé d'aller apprendre leurs mouvements et leurs trucs, si ce n'est pour se diriger à la rigueur. D'accord ? Et également, t'en as, ils peuvent le savoir pour les saisons. Mais ça rentre dans le fait de se diriger. Ça rentre dans le fait de se diriger. Tout le reste, c'est vain. Et ce qui va trop loin dans l'apprentissage de l'astrologie, les différences entre astrologie et astronomie. Différence. L'astrologie, c'est la science des astres, pour voir en tirer des déductions sur l'activité sur Terre, les choses liées à l'invisible, et à l'avenir. Comme les signes des zodiaques, ce genre de choses. Ça rentre dans le sihr, ça rentre dans la sorcellerie. Cela n'est pas permis. Non. Donc voilà la question qu'on a prise aujourd'hui. Naktafi bihad al-qadr. فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك